Chapitre 3e, le récit de Pascog. Dès qu'il eut franchi la grille d'entrée du parc et qu'il se fut engagé dans la large avenue bordée de platanes qui conduisait à la maison d'habitation, Pinkerton commença à examiner attentivement les lieux. Il arriva bientôt au perron qui accédait à la porte de la villa, et en haut de l'escalier, il aperçut un homme aux cheveux blancs tout courbé par l'âge. Ce vieillard regardait le nouveau venu d'un air méfiant. Le détective monta les marches, souleva poliment son chapeau et demanda s'il n'avait pas l'honneur de parler à M. Pascog, le régisseur du domaine de M. Freddy Tuckerton. « Oui, » répondit le vieillard sans se départir de sa réserve hostile. Pinkerton se fit connaître. Il lui expliqua qu'il était détective et qu'il venait de New York tout exprès pour rechercher l'auteur de l'odieux attentat dirigé contre son maître. À ces mots, la figure de Pascog se rasséréna et il tendit la main au visiteur. « Oh, vous avez bien fait de venir, monsieur. Ah, combien je souhaite que vous le pinciez, le brigand qui a voulu tuer notre jeune maître, si bon et si généreux. » Il conduisit immédiatement le détective à la chambre à coucher de Freddy, et sans dire un mot, il regarda Pinkerton se livrer aux recherches les plus minutieuses et les plus approfondies. Le détective se mit à genoux sur le tapis, et s'armant de sa loupe, dont il ne se séparait jamais, il l'examina, pour ainsi dire, pouce par pouce. Ayant terminé dans la chambre, il passa sur le balcon et se laissa glisser jusqu'à terre le long d'une des colonnes, en examinant soigneusement les tiges de vignes sauvages qui grimpaient jusqu'au balcon et formaient par-dessus une sorte de dôme de verdure. Les nombreuses sculptures dont cette colonne était ornée formaient autant de saillies qui rendaient l'ascension comme la descente extrêmement facile. L'assassin n'avait donc dû avoir aucune difficulté pour parvenir jusqu'à la chambre du jeune homme. Quand le détective eut atteint le sol, il mesura de l'œil la distance qui le séparait des arbres les moins éloignés. Évidemment, l'homme masqué, son crime accompli, n'avait songé qu'à se réfugier le plus vite possible sous l'ombre protectrice des arbres du parc. Par conséquent, il avait dû prendre le chemin le plus court pour disparaître sous les arbres les plus rapprochés. Pinkerton, ayant établi, à l'aide de diverses comparaisons, quel était ce chemin, se dirigea aussitôt de ce côté, et le vieux Pascog, qui du haut du balcon suivait avec la plus profonde attention les allées venues du détective, le vit s'enfoncer entre les arbres. Le maître ne reparut qu'au bout d'un certain temps. Il demanda alors au régisseur de lui raconter ce qu'il savait des événements de la nuit précédente. Pascog ne se fit pas prier. Il expliqua d'abord que ce soir-là, précisément, il avait eu beaucoup de peine à s'endormir. D'ailleurs, comme tous les vieillards, il avait le sommeil extrêmement léger, et le moindre bruit l'éveillait. C'est ce qui était arrivé cette nuit-là. Comme il couchait au second étage, juste au-dessus de son maître, il avait entendu avant tout le monde le coup de feu tiré par l'homme masqué, suivi aussitôt du bruit sourd d'un corps tombant lourdement sur le tapis. Tout tremblant de frayeur, il s'était levé, avait décroché un vieux fusil de chasse, toujours suspendu à la muraille au-dessus de son lit, puis il était descendu en toute hâte, et en ouvrant la porte de la chambre à coucher, il avait aperçu, à son indicible effroi, son maître étendu sans connaissance et baignant dans son sang. Le régisseur avait aussitôt donné l'alarme dans toute la maison, il avait envoyé chercher des médecins et prévenir la police. Bref, en dépit de son émotion bien légitime, il avait pris sur le champ toutes les mesures qui s'imposaient. Il avait même fait fouiller le parc en tous sens par ses domestiques armés, dans l'espoir que l'assassin n'aurait pas encore eu le temps de s'enfuir, mais toutes les recherches avaient été vaines. Le coupable était demeuré introuvable, et Pascog n'avait plus d'espoir que dans le détective. « Dites-moi, monsieur Pascog, » demanda Pinkerton, quand le vieillard eut achevé son récit, « il y a longtemps que vous êtes au service de la famille Tuckerton, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, monsieur, » répondit vivement le régisseur. « Quand monsieur James Tuckerton, le père de notre jeune maître, a acquis le domaine du vieux Warner, il m'a pris en même temps avec lui. »« Quoi ? Vous étiez à cette époque au service de Warner, l'ancien propriétaire de ces terres ?»« Oui, pendant 5 ans. J'avais d'abord été balai, puis premier balai, puis surveillant. C'est monsieur James Tuckerton qui m'a élevé au rang de régisseur. »« Eh bien, essayez de vous rappeler ce qui s'est passé à cette époque. » Vous souvenez-vous encore dans quelles conditions ce domaine est devenu la propriété de James Tuckerton ? Le vieux se gratta l'oreille et parut gêné. Oh, ce n'est pas l'embarras, je m'en souviens encore comme si c'était d'hier. Seulement ce n'est pas très joli ce qui s'est passé alors et, ma foi, il s'en est fallu de bien peu que le sang ne coula quelque temps après. Pinkerton était devenu tout à coup très attentif. « Eh bien, monsieur Pascog, il faut que vous me racontiez cette histoire-là. Soyez bref, mais précis et complet. Je sais déjà, de la bouche même de monsieur Freddy, que son père avait été autrefois prêteur, alors qu'il habitait encore en ville. « Oui, oui, » dit Pascog, « c'est exact, et je... » Il hésita, se gratta l'oreille, puis parut prendre un parti. « Mon Dieu, monsieur, je ne voudrais pas dire du mal des morts, mais... » Le fait certain, c'est que M. Tuckerton avait à cette époque une très fâcheuse réputation et qu'on le traitait couramment d'usurier de la pire espèce. Or, William Warney, l'ancien propriétaire de ce bien, se trouva à un moment donné dans de graves embarras d'argent, dus pour moitié aux circonstances, c'est-à-dire aux mauvaises récoltes, et pour moitié aussi à sa légèreté et à ses goûts de dissipation. Il alla donc à la ville, et emprunta à James Tuckerton des sommes de plus en plus élevées à très gros intérêts. Tuckerton prêtait toujours sans faire aucune objection jusqu'à ce qu'un beau jour il se trouvât avoir entre les mains assez de billets signés Warney pour pouvoir mettre le couteau sur la gorge de son débiteur. Il se montra impitoyable, je dois le reconnaître. Il avait depuis longtemps jeté son dévolu sur ce domaine, ayant deviné ce qu'on pouvait en faire avec de l'ordre et du travail, et il s'était juré d'en devenir le propriétaire. Ce fut en vain que Warney lui offrit des arrangements. Tuckerton demeura intraitable. Il fit vendre son morceau aux enchères et l'acheta pour son propre compte. Quant à Warney, il le fit expulser brutalement et de ce jour, les deux hommes devinrent ennemis mortels. Warney était d'un caractère extrêmement violent. Déjà, le jour où il avait dû quitter son domaine, il avait failli se jeter sur James Tuckerton. Mais il y avait trop de monde. Il se contint et sortit de la ferme où il avait si longtemps vécu en jetant au nouveau propriétaire un regard gros de menace. Il revint quelques jours après. Il s'introduisit nuitamment dans la chambre de Tuckerton et voulut le tuer. Il blessa assez grièvement son adversaire. Cependant, de la lutte qui s'engagea, ce fut lui qui eut finalement le dessous. Il fut terrassé et les valets, accourus à l'aide de leur maître, le garrottèrent étroitement. Pour tentative de meurtre, il fut condamné à plusieurs années d'emprisonnement. Il y a longtemps qu'il a fini de purger sa peine. Qu'est-il devenu ensuite, je l'ignore totalement. Est-ce qu'il était marié, ce Warney? Oui, sa femme est morte de chagrin, peu de temps avant la vente aux enchères. Avait-il des enfants? Un fils, du nom de John. C'était un mauvais garnement, dans lequel tous les défauts du père s'étaient exagérés. Il avait des accès de colère, d'une violence inouïe, et tout jeune encore, il s'était un jour laissé emporter jusqu'à se livrer à des voies de fait sur la personne de son propre père. Ivre de fureur, celui-ci avait saisi une faux qui se trouvait à portée de sa main, et avec cette arme terrible, il lui avait fendu le bras droit depuis le poignet jusqu'à l'omoplate. La blessure était effroyable. Il a fallu littéralement recoudre John Warney, qui dut rester de longues semaines à l'hôpital. Quand il en ressortit à peu près guéri, vous supposez bien qu'il n'eut garde de reparaître chez son père. Il quitta le pays, et depuis on ne l'a plus revu, et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. À l'époque de cette disparition, le domaine appartenait encore à son père, n'est-il pas vrai? Oui. Cet événement n'avait d'ailleurs pas contribué pour une médiocre part, à rendre encore plus déplorable le caractère du vieux Warney. Dans ces conditions, il se peut que John Warney, ayant vécu à l'étranger pendant de longues années, ait ignoré les malheurs de son père et son changement de fortune. « C'est possible, en effet. »« Eh bien, songez maintenant que l'homme masqué a dit à M. Freddy qu'il venait régler avec lui un vieux compte. Rappelez-vous également qu'il prétendait obéir à la voix du sang. »« M. Pascog, je crois ne pas faire un jugement téméraire en affirmant que l'auteur de l'attentat de la nuit dernière n'est autre que John Warney, le fils de ce Warney qui s'est vu jadis dépouillé de ce domaine par son impitoyable créancier James Tuckerton. » Aujourd'hui, c'est le fils qui se dresse en face du fils, lui demandant réparation d'un tort d'ailleurs imaginaire fait à son père par le père de sa victime. Quand il est revenu dans son pays natal, il croyait fermement y retrouver William Warney, riche propriétaire comme autrefois. Il a calculé qu'après tout, il y avait là un héritage qu'il ne devait pas laisser échapper, et il est rentré à Somersworth. Mais alors il a appris ce qui s'était passé. Vous pensez quelle fut sa déception? Avoir vécu de misère et de privation pendant des années, car ce fut certainement son sort, avoir espéré devenir riche tout à coup, puis voir ce beau rêve s'écrouler en une minute, il y avait bien là de quoi le rendre furieux. C'est pour cela qu'il n'a pas craint de se porter aux pires extrémités sur la personne de votre jeune maître. Le régisseur avait écouté le détective avec une surprise croissante. « Oui, dit-il enfin, je reconnais que tout ce que vous dites là, monsieur Pinkerton, est parfaitement plausible. Seulement, ça ne vous donne toujours pas le coupable. Pour moi, sitôt son coup fait, John Warney a dû s'enfuir au plus vite, et s'il court encore, il est loin. » Mais Nat Pinkerton n'était pas de cet avis. « Eh bien, moi, je n'en crois rien, dit-il, et voici pourquoi. Ce John Warney est la pire des brutes, ainsi que le démontre surabondamment sa façon d'agir. S'il prétend obéir à la voix du sang, il dit vrai en un sens, car il a bien hérité de toute la violence de caractère et de tout l'emportement de son père, de ce père dénaturé qui, pour châtier son fils, ne craignait pas de se servir de cette arme terrible qu'a une faux entre des mains expérimentées. À l'heure actuelle, soyez-en certain, il sait déjà que la balle qui a blessé Freddy Tuckerton ne l'a pas tué. Et assoiffé de vengeance comme il l'est, il va essayer d'achever l'œuvre de mort qu'il n'a pas pu mener à la bonne fin une première fois. Vous avez peut-être raison. J'ai sûrement raison, monsieur Pascog. Quoi qu'il en soit, je vais provisoirement retourner à New York, car tant que monsieur Tuckerton est à l'hôpital de Somersworth, il ne court aucun danger. Mais dès qu'il rentrera ici, j'y reviendrai, moi aussi. À partir de ce moment, nous sommes fondés à tout instant à redouter un nouvel attentat de la part de ce misérable qui n'est poussé en réalité que par la plus basse cupidité, malgré tous les beaux prétextes dont il essaie de colorer ses actions. Donc, quand M. Tuckerton sortira de l'hôpital, ne manquez pas de m'en avertir immédiatement. Soyez sans crainte, M. Pinkerton, ce sera fait. Est-ce que vous croyez que vous reconnaîtriez ce Warney, le cas échéant ? Peut-être, répondit Pascog. Je me rappelle encore très bien le visage du vieux, et John ressemblait beaucoup à son père, au physique autant qu'au moral. Tant mieux. S'il en est ainsi, surveillez bien toutes les personnes qui entrent et sortent ici. Il se pourrait en effet que pour mieux assurer la réussite de ses plans criminels, ce John Warney cherche à s'introduire dans la maison sous un costume qui le mit à l'abri du soupçon. Vous pouvez être tranquille, monsieur Pinkerton. J'aurai l'œil ouvert. Un homme prévenu en vaut deux. Et je serai sur mes gardes. Et le premier individu suspect que j'aperçois, je le fais coffrer séance tenante. Mieux encore, n'ayez l'air de rien, et informez-moi tout de suite par dépêche. Je préfère être là, pour éviter une erreur toujours possible. Monsieur Pinkerton, affirma le régisseur, je vous promets de me conformer strictement à vos instructions. Avant de repartir pour New York, où l'appelaient d'autres affaires urgentes, Nat Pinkerton tint à faire le tour du domaine. Il examina avec une attention particulière tous ceux qui, à un titre quelconque, faisaient partie du personnel de la ferme. Domestiques des deux sexes, valets, servantes, personne n'échappa à cette inspection. Il traversa les champs où travaillaient les journaliers. Il alla même jusqu'au pré, où le berger faisait paître nombre de troupeaux de moutons. Parmi tous ceux qu'il rencontra, aucun n'éveilla sa méfiance. C'étaient tous de braves gens, et certes, nul de ceux-là n'avait prêté les mains de près ou de loin à l'attentat dirigé contre Freddy Tuckerton. Tous s'acquittaient de leur besogne en conscience. Tous se montraient très attristés du sort de leur jeune maître, car s'ils ne s'étaient jamais occupés d'eux à proprement parler, ils avaient su gagner leur sympathie par ses manières bienveillantes et affables, et surtout par l'inépuisable générosité dont ils faisaient preuve envers les pauvres gens. Pinkerton termina par une visite à l'hôpital. Il trouva Freddy en excellente voie de guérison. Sans lui dire la conviction qu'il avait acquise, il lui donna cependant à entendre qu'il tenait déjà une piste et qu'il se proposait de la suivre jusqu'au bout. Le blessé en témoigna une vive satisfaction. Il ne désirait rien tant que de voir arrêter son mystérieux agresseur, car il sentait fort bien que tant que cet homme resterait en liberté, sa vie à lui ne serait pas en sûreté. D'ailleurs, l'homme masqué ne l'avait-il pas prévenu qu'il viendrait reprendre ce qu'il appelait son bien, même quand Freddy reposerait déjà dans sa bière? Aussi le jeune homme pria-t-il encore une fois le détective, dans les termes les plus pressants, de ne rien négliger pour arrêter son meurtrier. Pinkerton le lui promit, puis, ayant pris congé du blessé, il rentra le soir même à New York.